Zou, je vais partir maintenant. Mais si l'enfant a toussé, c'est plus intéressant que toutes nos histoires, là. Eh, puisqu'il est mien, ce petit, ce serait à moi de me faire du mauvais sang, non? Et justement, tu t'en fais pas. Mais non, Marius, il n'est pas tien. Toi, tu étais son père avant qu'il naisse. Quand... Depuis qu'il est né. Quand t'en es père de quelqu'un, c'est pour toujours, non? Non. Cet enfant, quand il est venu au monde, il pesait 4 kilos. 4 kilos de la chair de sa mère. Maintenant, il pèse 9 kilos. Mais c'est 5 kilos de plus. Tu sais ce que c'est? C'est de l'amour. Et pourtant, c'est léger l'amour. Il en faut pour faire 5 kilos. Moi, j'ai donné ma part. Oh, elle aussi. Mais celui qui a donné le plus, c'est lui, Anis. Et toi, qu'est-ce que tu as donné? La vie? La vie, ah oui. Les chiens aussi donnent la vie. Non, Marius. Cet enfant, tu ne l'as pas voulu. Ce que tu as voulu, c'est ton plaisir. La vie, tu ne lui as pas donné. Il te l'a prise. Ce n'est pas pareil. Mais nom de Dieu, qui c'est le père? Celui qui a donné la vie ou celui qui a payé les biberons? Le père, c'est celui qui aime. Va, Marius, tu as les dents pointues. Mais n'essaye pas de mordre les pierres. Cet enfant, tu ne l'auras pas. Il est planté en haut d'une famille comme une croix sur un clocher. Alors, toi aussi, tu me trahis. Te trahir? Moi? Mais non, Marius. Mais moi, je t'ai pas trahi. J'ai pas trahi ton amour. On va, puisque ton père est là qui nous écoute et qui me défend contre notre folie. Je peux tout te dire à présent. Marie, je t'aime. Je t'aime toujours. Je t'aime comme avant. Plus encore, peut-être. Chaque matin, je vois ton visage dans le sourire de mon fils. Et tout à l'heure, quand tu as paru à la fenêtre, j'ai cru que je tombais vers toi. Mes jambes ne me portaient plus. Et si tu m'avais prise par la main sans dire un seul mot, je serais partie. Partie. Je t'aurais suivi n'importe où. Mais après, et mon fils, Marius. Il est à nous, tu n'as qu'à le prendre. J'ai pas le droit. Ni devant la loi, ni devant le bon Dieu. Anis m'a sauvée quand j'étais une pauvre fille. Il m'a donné son nom. Il m'a rendu le respect que j'avais perdu. Mais la nuit où le petit est né, il m'a tendu la main. J'enfonçais mes ongles. Et lui, il me disait, mords-moi, griffe-moi. Plus tu me feras du mal et plus le petit il sera mien. Et toute la nuit, sans le vouloir, j'ai enfoncé mes ongles. Il en garde encore les mains. Ses mains. C'est lui qui les a, Marius. C'est pas toi. Va-t'en. Va-t'en. Va-t'en sur la mer, c'est là où tu as voulu aller. Mais laisse-moi ici avec notre enfant. Oh, pourtant, Marius, si ça peut te consoler, et pense qu'il y a une femme qui pense à toi tous les soirs, qui voudrait s'étendre près de toi, s'endormir dans ta chaleur. Une femme qui voudrait se réveiller le matin avec ton bras autour du cou, te recoiffer quand tu t'éveilles, mettre ses mains sur tes lèvres encore molles de sommeil. Toi, papa, qu'est-ce que tu voudrais que je fasse? Je voudrais que tu ne manques pas ton train. Ouais. Toi aussi, tu me fous à la porte, hein? Mais non, ce n'est pas moi, non. Toi, il n'y a pas que toi, elle aussi, attend que je m'en aille. Hein. Non. Ne sois pas méchant avec elle. Elle t'aime, elle te l'a dit. Mais son cœur va d'un côté et son ventre de l'autre. Ce qui t'aime, ce n'est pas son cœur. C'est elle qui veut plus apprendre. Non, Marius, c'est pas moi qui te fais partir. C'est pas elle, c'est pas Panis. Mais tu es un danger pour l'avenir de ton enfant. Alors c'est lui qui te renvoie. Et toi, tu ne me défends pas. Dis, papa, tu ne m'aimes plus, hein? Si, je te veux bien encore. Grand imbécile. Seulement, toi, tu es grand. Lui, il est petit. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est fort. C'est petit, ça vous prend tout. Alors quand on est brave, Marius, on n'attend pas qu'ils vous le prennent, qu'on le leur donne. Je monte à la gare. Marius. Oh. Dis au revoir à Madame Panix. Marius voudrait s'élancer vers elle, mais César le retient par les épaules. Au revoir, Fanny. Au revoir, Marie. Fanny. Je n'aimerai jamais que toi. Marie. J'ai jamais aimé que toi. Viens, mon fils. César l'entraîne.